nan braja kowa. Mwen vle devine tout bote ki kache. Pe dekouve sensasyon epi. Mi sou faron vahi mwen kon nou ja olase. Men an mwen ja ka pomne asi pou a an douse. Vle pa frison pou fe voyaje. Mwen vle l'ennui tire, y'a ki pou nou de. Flamme à l'amour. Moi parti pour pas puissant pour faire voyager. Moi v'lais l'ennui tirer. Y'a qui pour nous dire. Avec l'ennui, baby, tellement doux.